Eh, faut venir chez moi, je te filerai des cours de cuisine. Ouais, c'était un mec que j'ai écouté en boucle dans les années 70. Ça fait peur, je crois qu'il a un an de plus qu'il avait un an de plus que moi.